je vais te faire des ignifugés. Je vais te faire des mitridatisés pour que mon fiel ne puisse t'épargner. Je veux t'idéaliser, je vais te faire des mitridatisés. Pour qu'un beau jour tu me couvres de...